إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Comme prévu, incha'Allah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, nous allons reprendre notre série de cours sur le tawhid, avec l'étude du livre intitulé « Explication de la parole d'unicité » de l'éminent savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Comme vous le savez, cet imam a de nombreux livres profitables que les gens de la Sunna étudient et mettent en avant. Cependant, beaucoup de personnes ne connaissent pas grand-chose de cet imam. C'est pour cela que dans ce cours, nous allons essayer de remédier à cela en mentionnant certaines choses de sa biographie. Rahimahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sachez, barakallahu fikum, qu'à chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des savants qui appellent à sa religion, clarifient le droit chemin et propagent le bien. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah envoie dans cette communauté tous les 100 ans quelqu'un pour revivifier la religion. Et ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. En effet, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a revivifié la religion dans la péninsule arabique, car à l'époque, beaucoup vouaient l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir qu'Allah accorde à toute science bénéfique et à tout enseignant qui a une bonne intention un impact louable sur la communauté, malgré que les ennemis se déchaîne sur lui. Car comme il fut dit, il est certes impossible de recouvrir le soleil lorsqu'il est au milieu du ciel. Malgré tout ce qu'il fut dit sur cet imam, son prêche s'est répandu aux quatre coins du monde. Et ceci est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Parfois, il les éprouve par des gens de l'égarement. Mais la bonne fin est pour les gens de la vérité. Prenons l'exemple des prophètes. Ils ont toujours eu des ennemis qui détournent les gens du droit chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 31 de Sourate Al-Furqan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Tout comme nous avons suscité pour chaque prophète des ennemis parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit pour guide et secours. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans le verset 112 de Surat Al-An'am, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction de ce verset, tout comme nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis, des démons, d'entre les hommes et les djinns, les uns insufflant aux autres des paroles enjolivées afin de les abuser. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Ceci est donc la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'un prêcheur de la vérité apparaît, les prêcheurs de l'innovation se dressent sur son chemin. Mais la vérité prend son chemin et perdure, tandis que les prêcheurs du faux finissent par s'éclipser et disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans Sourat le Tonnerre, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. L'écume est rejetée et ne reste sur terre que ce qui va profiter aux hommes. Ainsi Allah propose des paraboles. Donc cet imam est Muhammad, fils de Abdel Wahhab, fils de Ali, fils de Suleyman, Al-Musharrif Al-Tamimi. Il est né, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans la ville de Uyayna, dans la région du Najd. Donc cette région est située au centre de l'Arabie. Donc le Cheikh Rahimahullah est né l'an 1115 de l'Hégire, ce qui équivaut à peu près à l'an 1703. Il a grandi, rahimahullah, dans un environnement de science, entre son père, ses oncles et les savants présents à son époque. Et il y en avait beaucoup par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il a pris d'eux la science religieuse. Et c'était un enfant très précoce. Il mémorisa très tôt le Coran. Il finit sa mémorisation à l'âge de 10 ans. Et il n'était pas un enfant comme les autres. Il était très intelligent. Et il n'aimait pas s'adonner aux jeux des enfants de son âge. Lors de son enfance, il a appris beaucoup de son père, Abdul Wahhab, rahimahullah, et il aimait lire les livres des savants, tels qu'Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a voyagé dans la région du Hijaz pour étudier. Il est arrivé à la Mecque, puis à Médine, et a rencontré les savants, et a beaucoup profité d'eux. Puis après avoir fait le pèlerinage, il s'est dirigé vers la région d'Al-Ahsa, car il s'y trouvait des savants des quatre écoles juridiques, et il y a appris la science, notamment la jurisprudence. Ensuite, il a voyagé pour l'Irak, et il fut dit qu'il y étudia la science du hadith. Notamment, il prit cette science du Cheikh Mohammed Hayat Sindi, rahimahullah. Et Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a beaucoup voyagé pour la demande de science, comme c'était le cas des Salafus Salih, malgré qu'à l'époque, les moyens de transport étaient limités et n'étaient pas aussi développés. Malgré cela, il n'hésitait pas à parcourir de grandes distances pour étudier. Et le cheikh a même voulu, rahimahullah, voyager dans la région du Cham, mais il n'a pas réussi. Et a failli mourir sur la route. Il est donc revenu dans sa contrée, armé d'une grande science. Et lorsqu'il rentra, il trouva que son père, Abdel Wahhab, avait déménagé dans la ville de Al-Hureymala pour exercer le métier de juge. Et donc le cheikh le rejoigna et commença à prêcher. Il est bon de souligner que le cheikh a vu beaucoup de shirk lors de ses nombreux voyages et il ne s'est pas tu. Comme l'ont fait certains parmi les gens de science à son époque. Ainsi, il a commencé à prêcher par l'enseignement, l'écriture d'épîtres et exhortations. Et lorsque certains injustes de la ville de Al-Hureymala se sont aperçus du prêche du cheikh et qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux, ils ont voulu le tuer et ont comploté contre lui pour l'assassiner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Il est donc revenu dans sa ville natale, Al-Uyayna, et il a appelé l'émir de cette ville à l'aider et le secourir dans son prêche. Par la grâce d'Allah, l'émir, répondit favorablement à l'appel du cheikh et se mit à l'aider. Et il fut un soutien de taille pour le cheikh, rahimahullah. Et donc il se mit à prêcher en public et à blâmer le shirk qui était présent à son époque. Et il a même détruit de ses mains le mausolée qui était construit sur la tombe de Zayd ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, qui était présent dans la ville d'Al-Uyayna, à l'endroit de la bataille d'Al-Yamama. Car Zayd ibn al-Khattab décéda à cet endroit et il y fut enterré. Et les polythéistes ont construit après sa mort un mausolée sur sa tombe et se sont mis à faire le tawaf autour de celle-ci. Et par la cause du prêche du cheikh, donc cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmahullah, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala commencèrent à être appliqués. Néanmoins, lorsque l'émir de la région d'Al-Ahsa fut informé de cela, il lança un ultimatum à l'émir de Al-Uyayna, donc la ville natale du Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, en lui disant « Soit tu renvoies cette personne, ou soit je ne te donne plus d'argent. » Et il dit cela car c'était un émir important pour les émirs de la région du Najd, et il leur donnait de l'argent et les aidait. Ainsi, l'émir n'a pas à patienter et ne tarda pas à exposer l'affaire au cheikh, rahimahullah. Et le cheikh lui répondit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la subsistance et que celui qui fait le bien, Allah l'aide et lui donne plus que ce qu'il a perdu. Mais l'émir, par faiblesse, n'écouta pas le cheikh et écouta plutôt l'émir d'Al-Ahsa. C'est comme cela qu'il ordonna au cheikh, rahimahullah, de sortir de la ville. Et le cheikh sortit de la ville à pied. À l'heure de la sieste, lorsque la chaleur fut à son paroxysme, il se dirigea vers la région d'Ad-Dir'iyya et fit une halte chez un cheikh dénommé Ibn Souhaylim, qui était l'un de ses élèves. Et cet élève eut peur qu'il lui arrive du tort à cause du cheikh. Cependant, la femme de l'émir de cette ville aimait le cheikh, rahimahullah. Elle était convaincue par les propos dont elle avait eu écho quant à son prêche. Ainsi, elle se décida d'exposer son affaire à son mari, Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, et l'a incité à secourir, et l'a incité aussi à se positionner avec lui, en lui disant que c'était une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordée. Et donc Mohammed ibn Saoud dit à sa femme qu'il vienne me voir. Mais sa femme lui répondit, si tu le convoques, alors les gens penseront que tu veux lui faire du tort. Ainsi l'émir se rendit directement chez l'élève du cheikh Ibn Souhaylim rahimahullah. Donc la maison où se trouvait le cheikh. Et cet élève, Ibn Souhaylim, eut peur pour le cheikh. Et l'émir finit par rentrer. Il salua le cheikh et le questionna quant à son affaire. Il lui demanda ce qu'il voulait. Et le cheikh lui répondit. Il lui expliqua les choses en lui disant que ceci est le prêche du tawhid, le prêche de l'unicité. Et c'est également le prêche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des prophètes. Et que celui qui le propage, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera, le secourra et le renforcera. Et l'émir fut à son tour convaincu par ses paroles et prêta allégeance au cheikh concernant son aide et son secours. Par la suite, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab prêcha le tawhid. Et le prêche du tawhid se répandit dans la région d'Ad-Dir'iyya ainsi que dans les autres régions. Puis le prêche du tawhid se répandit beaucoup et plus le prêche se répandait et plus les envieux voulait faire du tort au cheikh, mais le cheikh est resté ferme. Il enseignait aux gens, écrivait des livres et envoyait des lettres aux émirs pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette manière, chers auditeurs, est le meilleur moyen de répondre à ses détracteurs. Car lorsqu'il parle sur les gens de la sunna, et lorsqu'ils veulent faire du tort aux gens de la sunna, leur but est de les stopper dans leur appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh avait bien conscience de cela. C'est pour cette raison qu'il resta ferme, comme c'est l'habitude des ulama al-rabbaniyoun, comme c'est l'habitude des savants éducateurs. Par la suite, le bien se propagea. Le mal fut blâmé et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala furent appliquées. Et Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, devint l'émir de l'ensemble des régions du Najd, tandis qu'avant il gouvernait uniquement la région d'Ad-Dir'iyya. Le bien s'étendit, walillah alhamd, même jusqu'au Yémen, Hushaym et le pouvoir des émirs de la famille de As-Su'ud se propagea dans la plupart de la péninsule arabique. Le tawhid se propagea et les gens profitèrent grandement de cette lumière. Et le Cheikh rahimahullah ne voulait par cela uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne voulait en aucun cas les éloges des gens ou même profiter de leur argent. Car le Cheikh avait comme habitude de dépenser pour le prêche et allait même jusqu'à s'endetter pour dépenser pour les étudiants. Et le Cheikh mourut pauvre, malgré que s'il aurait demandé de l'argent aux gens, il lui aurait donné des biens en abondance. Mais le Cheikh était un ascète, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il a laissé derrière lui des trésors impérissables, des livres qui sont étudiés dans la plupart des mosquées. Tu ne trouveras pas un étudiant en sciences, en règle générale, sans qu'il n'ait profité des livres de cet imam, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Il a réfuté les ambiguïtés de ses détracteurs dans ses livres, avec science et bon comportement. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et j'aimerais finir cette intervention par citer une histoire qui est arrivée au Cheikh rahimahullah. Et cette histoire nous indique sa grande intelligence ainsi que sa grande sagesse. Lors d'un de ses voyages à la Mecque, le Cheikh vit un savant sur une chaise en train de faire un cours. Et le Cheikh aima son discours. Et le Cheikh aima son discours et décida de s'asseoir. Et lorsque le Cheikh en question voulut se lever de sa chaise, il dit « Ya Ka'bat Allah, ô la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et comme vous le savez, cette parole est du polythéisme, car il a invoqué la maison sacrée. Et Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, était doté d'une grande intelligence et d'une grande sagesse. Il attendit qu'on fasse l'appel à la prière, puis partit voir le Cheikh en question. Il le salua et lui dit que son cours était très intéressant et qu'il a vraiment trouvé son cours très bien. Puis il parla un peu avec lui et lui demanda l'autorisation de lui réciter un peu de Coran. Et le cheikh en question répondit, « Je t'en prie, tafaddal, il n'y a pas de mal dans cela. » Et Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab récita de Surat An-Nas jusqu'à Surat Quraysh. Puis lorsqu'il arriva au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ » Cher Mohammed ibn Abdel Wahhab récita le verset et dit « فَلْيَعْبُدُوا الْبَيْتِ » c'est-à-dire qu'ils adorent la maison. Donc ici le cheikh s'est trompé lorsqu'il a récité le verset. Et le cheikh donc en question dit « Quoi ? Ceci n'est pas possible. S'ils auraient adoré la maison, ils auraient associé. » Et Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas le shirk. Et Cheikh Mohammed rahimahullah lui dit, quel est le bon verset alors? Et le Cheikh en question lui récita le bon verset. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et Cheikh Mohammed rahimahullah le remercia et lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et il demanda au Cheikh en question, peut-on invoquer la Kaaba? Le Cheikh dit non. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Mohammed rahimahullah lui dit, ô Cheikh, tout à l'heure tu as dit, Ya Kaaba Allah, ô maison sacrée, Et le cheikh en question se rendit compte de son erreur et invoqua en faveur du cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il lui dit « Jazakallahu khairan ya waladi ». Et cette histoire vient réfuter certaines personnes aujourd'hui qui viennent dénigrer le cheikh et qui disent que le cheikh était dur et qu'il a répandu sa da'wa avec le sang ou d'autres accusations. Regardez la sagesse que le cheikh avait. Regardez la miséricorde que ce cheikh avait, rahimahullah. Dans de nombreux de ses livres, il commence en disant « I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. » Ou bien dans les quatre règles, il commence par invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le lecteur et pour tout le monde qui va lire ce livre ou qui va écouter quelqu'un le lire. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut de le rendre béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde.